Chapitre 7 À la cible. Les Sioux sont habiles chasseurs de chevaux et trappeurs très adroits. Aussi ont-ils beaucoup de plomb et beaucoup de poudre. Étant riches, ayant de grasses réserves de munitions, ils tiennent leur prix. Les factoreries ne les exploitent pas autant qu'elles le voudraient. Et pour la poudre, elles ne peuvent leur tenir la dragée haute. Ils ont de si belles fourrures qu'on leur échange pour autant de munitions qu'ils en demandent. Aussi ne les épargnent-ils pas. Ils tirent presque tous les jours à la cible, c'est leur jeu favori. Or, le lendemain, on célébrait une fête, celle du feu ou du soleil. Je crois que le culte du feu ou du soleil est vieux comme le monde. On le retrouve partout. Il ne faut pas croire que seuls les Parsis de l'Inde soient les adorateurs du soleil. Les druides l'étaient comme eux. La course des cierges en Italie est une des cérémonies survivantes de l'antique religion. Dans toute la chrétienté, deux fois par an, on allume des feux de joie aux deux Saint-Jean, sous le patronage duquel on a mis deux cérémonies païennes, indéracinables au cœur des peuples, et qu'il fallut se contenter de transformer en cérémonies chrétiennes. Dans toute l'Amérique, on retrouve les feux de joie aux époques périodiques. Donc, avant l'aube, les jeunes gens et les jeunes filles firent flamber les bûchers. Toute la tribu se déguisa en ours avec peau et masque. On dansa la danse de l'ours avec les hurlements de l'animal. C'est un étrange spectacle, une bizarre mascarade très bien imitée. Il y a des scènes très burlesques. Les danses finies, une collation prise, le tir à la cible commença. Un fusil en était le prix. Mademoiselle de Pellouer s'intéressa beaucoup à cette lutte. Chaque Indien tire une balle, et ceux-là seuls qui ont touché le but recommence la lutte entre eux sur un but plus petit. À la fin, il ne reste en concurrence que deux fins tireurs. C'est le moment le plus intéressant. Or, à la grande surprise de tous, Mademoiselle de Pellouer s'avança avec son amazone. Elle dit au sachem, avec Fleur de Joint pour interprète, « Fais-nous donner à chacune un fusil. Nous voulons disputer le prix. » Le sachem sourit de cette prétention. Il ne savait point à qui il avait affaire et il répondit « Les squaws, femmes, blanches, veulent s'amuser. Je ne m'y oppose pas. »« Sachem, » dit Mademoiselle de Pellouer, « il est juste que nous étudions votre arme. Nous allons donc tirer trois coups d'essai si tu y consens. Votre demande est juste. Essayez les armes comme vous l'entendrez. » Mademoiselle de Pellouer demanda une braise à Fleur de Joint qui alla en chercher une et qui l'apporta à la jeune fille. Celle-ci traça un rond noir sur le poteau de la torture. Elle recula de 100 pas et mit dans le noir à la stupéfaction générale. Mais elle dit « Maintenant je connais l'arme, j'entre en lutte. » Son amazone aussi mit dans le noir et se déclara prête pour jouer. Le but, un caillou de la grosseur d'un œuf placé sur un pieu à 100 pas. Un des tireurs le manqua. Les deux Amazones touchèrent. Les Sioux, leurs femmes, leurs enfants poussèrent des cris d'enthousiasme. On remplaça ce caillou par un autre de la grosseur d'une noix. Seules les Amazones touchèrent. Alors la tribu les proclama victorieuses. On donna le fusil à Mademoiselle de Pellouer, qui en fit présent au dernier tireur. Cette générosité lui gagna tous les cœurs. Les Indiens sont extrêmement sensibles aux procédés délicats. Sauvages, mais gens de cœur. Cependant, Mademoiselle Pellouer voulait étonner davantage les Sioux. Elle fit planter un petit fer de flèche, à peine gros comme un clou, dans l'arbre de la torture, et tirant dessus, la balle fit marteau. Son amazone doubla ce coup. À 100 pas, cela parut prodigieux aux Sioux. Mais ils n'étaient pas au bout de leur surprise. Mademoiselle de Pellouer demanda qu'on lui trouvât une pierre percée et un fil fait d'un tendon d'animal. On les lui apporta. Elle attacha le fil à la pierre et son amazone tint, à 100 pas, le fil entre les doigts, la pierre pendant. Les spectateurs, très émus, retenaient leur souffle et regardaient de tous leurs yeux. Mademoiselle de Pellouer épaula, leva lentement son arme, visa et tira. La pierre tomba. La balle avait coupé la ficelle. Alors les Sioux vociférèrent en trépignant. Saisissant des cailloux, ils les frappaient l'un contre l'autre avec frénésie. Mais Mademoiselle de Pellouère alla prendre la place de l'Amazone. Celle-ci coupa le fil avec autant de précision que sa maîtresse. L'admiration des Sioux grandissait toujours et devait grandir encore. Mademoiselle de Pellouère renouvela pour eux le miracle d'adresse qui immortalisa Guillaume Tell. Elle plaça sur sa tête un caillou de la grosseur d'un œuf et attendit les bras croisés, souriante, le feu de son Amazone. Elle tira, le caillou fut jeté très loin. Cette fois, la stupeur rendit les Sioux silencieux et comme atterrés. L'Amazone prit la place de sa maîtresse, le même caillou sur la tête. Il fut jeté bas. Alors, Mademoiselle de Pellouère, se tournant vers la tribu, demanda « Si je jure par le grand Dieu des Blancs que je ne chercherai pas à m'échapper, que je reviendrai fidèlement chaque soir à la tribu, permettez-vous à une tireuse comme moi de chasser ?» Ensemble et unanimement. « Hotch, hotch ! Oui, oui !»« Eh bien, je jure pour moi et pour ma négresse. Vous nous prêterez à chacune un fusil. »« Je t'en donne deux, » dit le sachem. « Je les paierai en peau de jaguar. »« Tu veux donc chasser le grand chat ?»« Oui, et tu ne trouveras jamais dans la fourrure le trou de nos balles. » »« Tu tires à l'œil. » »« Toujours. » »« Je te donnerai une escorte. Mon vieux cousin Gilnec te servira avec ses 11 braves. » »« Soit, mais il me laissera chasser à ma guise. » »« Tu seras la maîtresse de ton fusil. » Mademoiselle Pellouère était au comble de la joie. Désormais, la captivité devait lui sembler douce. La fête continua, brillante et animée. Mademoiselle de Pellouère assista à des danses extraordinaires, danses de caractère, surtout la danse du scalp et la danse de la guerre. Quand elle rentra dans sa tente, elle s'endormit aussitôt. Ce long bal sauvage avait fatigué ses yeux.